au pays russe par Eugène Melchior de Voguet. L'âme russe. Eh bien, dit mon hôte, vous avez été voir danser nos paysans, étaient-ils très en train? Comment vous dire? Votre peuple est incompréhensible. Dans toutes les manifestations de son génie, je remarque, d'une part, un grand fond d'insouciance et de bonne humeur, d'autre part, un accent de tristesse navrante. Et je peux d'autant moins concilier ces deux traits de caractère qu'ils se produisent au rebours de ce qu'attend la logique. Ce peuple s'acquitte avec enjouement des devoirs pénibles, sa mélancolie se trahit dans ses plaisirs et ses chansons. Ah, vous voulez concilier? Votre logique s'étonne. Que vous êtes bien un fils de Descartes et de Rousseau. Tout cuirassé de petits systèmes infaillibles, tout ébahi quand la ville les crève, quand l'univers les déborde. Vous arrivez avec votre maître de Lilliput, qui doit tout mesurer. Vous entrez dans un océan inconnu, des vagues déchaînées par tous les hasards d'orage roulent sur vous des fonds du ciel, et vous voulez armer l'océan qui fuit, et vous êtes surpris qu'il emporte, comme des fétus, votre règle et votre raison. Tenez, mon cher monsieur, la différence entre vous et moi, c'est que vous vous étonnez quand vous ne comprenez pas quelque chose dans l'univers. Moi, je m'étonne et je me défie quand je crois y comprendre quelque chose. Je tiens avec Shakespeare qu'il y a, entre la terre et le ciel, beaucoup plus de noir que la philosophie n'en peut éclaircir. Vous voulez expliquer le génie de notre peuple? Vous êtes-vous demandé d'où il procède? Vos savants décident communément que le caractère d'un peuple est déterminé par les origines de race, par la nature du pays habité, par les vicissitudes historiques subies. Mais avis que ces messieurs négligent quelques milliers d'autres causes. Mais peu importe. Je veux bien coucher mon géant sur ce lit de Procuste, et je l'examine avec votre lanterne. La race. Les sources mystérieuses de l'Inde et de la Haute Asie, coulant durant des siècles dans les ténèbres, ont formé ce fleuve trouble. Un beau jour, qui est d'hier, il a surgi à la lumière. Nul ne sait d'où viennent ces eaux muettes. Tout ce que Dieu a remué d'inquiet depuis le temps de Babel, entre la mer de glace et le Pacifique, entre le Caucase et l'Altaï, tout cela est venu se heurter, se fondre et se taire dans nos désirs ignorés. Regardez-moi ces deux partenaires assis devant vous. À en juger par les traits de leur visage, l'un descend tout droit du plateau de Pamir, l'autre du plateau de Mongolie. La race. Qui a jamais parlé de l'un autre? La Bible dit Gog et Magog. Hérodote connaît les Scythes, la plus récente de toutes les nations. Plus loin, les Hyperboréens. Personne n'en peut dire rien avec certitude. Des lieux au nord des régions habitées, invisibles et inabordables. Voilà tout ce que l'ancien monde sait de nous. Le nouveau nous ignore pendant près de 1000 ans. Le jour où il s'avise de rechercher Gog et Magog, le Scythe et l'Hyperboréen, 80 millions d'inconnus se lèvent et répondent « Je m'appelle Ivan Ivanovitch. Je n'en sais pas plus long. » Vous voilà bien avancé, n'est-ce pas? Le pays? Allez à ma fenêtre. Regardez ces mornes étendues. Puis parcourez les 20 degrés de latitude que nous détenons sur le globe. Visitez cent autres maisons. Regardez à toutes leurs fenêtres toujours les mêmes tableaux, sans un trait particulier qui les différencie. Ce n'est que solitude, silence, accablement. Du Pays-Bas, plat et blanc. 6 mois de mort. Des températures qui devraient tuer jusqu'au germe de la vie. Soudain, un matin d'été, car nous n'avons pas de printemps, la vie éclate sans transition. Et quelle vie! Hier, il n'y avait pas de bourgeons, aujourd'hui, il y a des feuilles. La fleur se hâte, le fruit la suit. Un soleil des tropiques brûle cette terre figée. Les eaux débordées se précipitent au travers des forêts. C'est joyeux et magnifique, mais toujours immodéré, écrasant. Surtout, n'essayez pas d'assujettir notre nature à votre petit compas. Bon pour vos terres soumises d'Occident. La terre russe a des rébellions et des ardeurs de vierge. Elle se rit de vos efforts. Chez vous, l'homme commande. Ici, il obéit à la nature. L'an dernier, un de vos ingénieurs est venu pour endiguer le fleuve. Il a travaillé toute une saison. Cet été, le fleuve russe, ennuyé, a porté son lit à 1 kilomètre plus loin, et de la vallée voisine, il nargue le pauvre homme. Il fallait voir l'embarras de votre savant avec le baromètre, l'anémomètre, qui ne donnait plus ici que des indications menteuses. Je crois bien. Ces instruments de précision étaient affolés par nos vents, qui tournent d'une mer à l'autre sans rencontrer un mont. On a pu dire de la Russie du Nord, de ce sol mal séparé des eaux, que c'était un reste du chaos oublié par Dieu. Et maintenant, devinez l'action d'un pays pareil sur l'homme jeté en proie à ses caprices. Vous parlerai-je de l'histoire? Je ne veux pas professer un cours. Vous savez comme moi que nul peuple n'a été secoué par plus de mains et par des mains plus dures, que nul n'a subi autant de servitudes domestiques et étrangères, autant d'invasions qui ont déteint sur lui. Vous savez qu'il erre depuis longtemps comme une grande épave entre l'Europe et l'Asie. Tenez, j'aime mieux vous dire ma théorie scientifique. Elle en vaut bien une autre. À mon sens, le russe est le produit de la soupe qu'il mange. Vous la connaissez, la soupe nationale. Vous vous la rappelez avec horreur. On y trouve de tout, du poisson, des légumes, des herbes, de la bière, de la crème maigre, de la glace, de la moutarde, que sais-je encore. Des choses excellentes et des choses exécrables. On ne devine jamais ce qu'un coup de sonde va ramener de là. Ainsi, de l'âme russe, c'est une chaudière où fermentent des ingrédients confus. Tristesse, folie, héroïsme, faiblesse, mysticisme et sens pratique. Vous en retirez de tout au petit bonheur, et vous en retirez toujours ce que vous attendiez le moins. Si vous saviez jusqu'où cette âme peut descendre, si vous saviez jusqu'où elle peut monter, et de quel bond désordonné. Vous venez de voir les paysans de mon village, une centaine de familles engourdies depuis des siècles sur ce lit de neige, sous ce rideau de sapin. Vous vous êtes dit avec pitié que ce pauvre tas d'hommes n'est guère qu'un prolongement vivant de la forêt. Comme elle obscure, impénétrable, s'ouvre au grand bruit de pensées qui réjouissent et transforment le monde. Cela vous a paru sans intérêt. Ces êtres primitifs réduits au minimum d'idées, de besoins et d'activités dont puissent se contenter des créatures humaines. Eh bien, essayez de remuer ces âmes endormies. Qu'un sentiment, une colère, un coup imprévu les réveille, vous verrez surgir de ce néant des martyrs, des héros, des fous, de quoi remplir une épopée. La bénédiction du grain en Russie. En juillet dernier, comme on allait commencer les travaux des semailles, j'assistais à la bénédiction du grain. Au lever du jour, dans les champs labourés de la veille, au milieu des manœuvres, des bœufs attelés aux herses, le prêtre célébrait un Te Deum sur une petite table qui faisait office d'autel. Je regardais, et comme chacun revient involontairement aux préoccupations de son métier, je pensais à l'interprétation littéraire que des scènes pareilles suggèrent à nos écrivains. Quand le prêtre, revêtu de ses ornements fripés, suivi de son diacre en grosses bottes poudreuses, entra dans le labour, le goupillon à la main, il n'avait rien de majestueux. Il était même assez ridicule, empêtré dans sa chasuble retroussée sur le bras, tirant le pied dans la terre grasse, il tanguait avec des gaucheries de hérons pris dans la vase. Le diacre laissait couler le seau d'eau bénite. Les villageois assistaient à ce spectacle, là et indifférents par l'habitude. Voilà ce qu'aura vu tel observateur qui croit être vrai, parce qu'il est myope. Il n'eût été frappé que par ce côté réaliste, ce qui a dans le fond, suivi la remarque d'un critique avisé, le côté comique. Cependant, il y avait là autre chose, le quelque chose enfoui au profond de l'âme, comme les germes de vie invisibles dans ce champ, qui exige le travail de la charrue pour être ramené à la surface. Il y avait la grandeur de cette humble scène, dominant et excusant les pauvretés du détail. Au milieu de ces plaines sombres, aux horizons infinis, sous le ciel ardent de juillet, ces créatures assemblées en prière, implorant l'Éternel pour qu'il veille dans le sillon sur le pain de demain, et, sous la prière orthodoxe, une prière inconsciente et plus ancienne à la forte terre, la cibèle au sein brun, dispensatrice des blés. Ces paroles, que le prêtre chevrotait de sa voix éraillée, elles étaient pleines de symbolismes profonds, de touchants appels à la miséricorde suprême pour toutes nos fins, tous nos labeurs, toutes nos espérances, tout ce qui est résumé dans le grain sacré, avenir des enfants, que l'homme confie au labour. Et quand le semeur, de son large et superbe geste, qui est aussi une bénédiction, lança vers le ciel les premières poignées de froment, quand il apparut sur la crête, seul et grand, entre la terre noire et le ciel bleu, suivi par les bœufs qui se relevaient lourdement sur leurs genoux usés, quand les femmes, très fièrement campées dans leurs costumes d'Ukraine, brandirent les aiguillons derrière les herses, après avoir baisé entre les mains du vieux prêtre la croix d'or, rayonnant au soleil, la croix de souffrance et de courage. En vérité, le tableau fut saisissant et magnifique, malgré sa banalité, malgré l'impression mesquine de la minute précédente. Voilà ce que le réaliste ne sait pas ou ne veut pas faire sortir des choses quand il les considère de si près. Voilà pourtant ce qu'elles contiennent, ce qu'il faut voir, parce que cela aussi est une partie de la vérité. On est vrai, on est humain, qu'à la condition de marcher comme ce semeur entre ciel et terre, touchant l'une et regardant l'autre, faisant la part du comique extérieur et de la noblesse intime. Si j'aime les romanciers de ce pays, c'est qu'ils ont, ce me semble, trouvé le juste point de vision entre ces deux aspects de la vie. C'était Au pays russe, par Eugène Melchior de Voguet.